Merci Sarah, merci le château de Gutla. C'est avec beaucoup d'émotion que je te retrouve et qu'on te retrouve, Pnar, aujourd'hui au château de Gutla. On s'était vu il y a un an et demi déjà, maintenant, pour le festival Les Enchanteurs. Et puis tu nous avais fait l'honneur de ta visite à Saint-Étienne aussi. On m'a chargé de cette... Mais il parle de l'honneur, tout ça. Attends, mais ça, c'est que le début, Pnar. On m'a chargé de la difficile responsabilité d'introduire cette journée avec toi, Pnar, pour cet entretien d'une petite heure. Une petite heure pour dessiner ton portrait. Je me suis dit, il et elle sont fous à Gutla. On est tous les deux assez bavards. Et ton riche parcours ne saurait certainement pas se résumer en une petite heure. Mais bon, on va tenter le pari aujourd'hui. Sinon, tu veux me réinviter à l'une et l'autre. Exactement. pour tous ceux qui seraient déjà, qui auraient déjà l'idée de rester sur leur faim, je vous conseille déjà un premier livre, l'insolente entretien entre Pnar Selek et Guillaume Gamblin. Voilà, vous pourrez prolonger ce petit entretien par la lecture de ce livre, qui est une exploration beaucoup plus approfondie de ton parcours, Pnar. Pour ceux qui te connaîtraient pas, celles et ceux qui te connaîtraient pas, quelques mots, quelques couples de mots comme ça qui me sont venus en tête pour te présenter. Sociologue et écrivaine, universitaire et raconteuse d'histoire, militante pour les droits des opprimés, emprisonnée et torturée, combattante de la paix et farouche antimilitariste, femme papillon et fourmi zinzine, femme exilée, cerf-volant fragile. Voilà, autant de facettes qui forment un tout, je crois, ce cerf-volant, cette figure du cerf-volant que t'aimes bien, fragile, avec mille couleurs, comme tu aimes souvent à le dire ces derniers temps. Fragile, mais toujours debout, toujours volant, toujours dansant dans le vent, grâce à ton énergie incroyable que tu nous communiques à chaque fois qu'on te retrouve. Et grâce aussi aux mille petites mains qui te soutiennent en formant ces comités de soutien qui t'aident aussi à passer le cap de ces périodes de grand vent, voire même de sombres ténèbres. L'année 2023 était marquée pour toi sur le plan judiciaire par une continuité de l'acharnement du régime répressif turc à ton égard. Acharnement qui dure depuis 25 ans, on y reviendra, et qui s'est traduit cette année par un cinquième procès qui a été renvoyé finalement au mois de juin de l'année prochaine, et surtout par un mandat d'arrêt international. Toutes ces nouvelles procédures se sont accompagnées en France d'une nouvelle campagne de soutien immense dans la presse, notamment du Monde, à l'Humanité. De nombreuses tribunes ont été signées. Un immense soutien aussi de la part des institutions académiques, France Université, l'Association française de sociologie, l'ENS de Lyon et d'innombrables autres prises de position institutionnelles. Et puis, comme je le disais, les nombreux comités de soutien qui ont essaimé en France depuis une dizaine d'années et qui nous rappellent tous les jours que l'affaire Pnar Selek, c'est notre affaire commune. Il en va de la liberté d'expression, des libertés académiques et plus globalement des valeurs démocratiques en Europe. Et 2023, je le disais, période aussi de sombres ténèbres, on est en plein dedans, avec un retour du tragique dans l'histoire, auquel tu es très sensible, auquel tu as consacré plusieurs livres, avec toutes ces frontières cicatrices qui se réveillent et qui ravivent des plaies, des douleurs anciennes, que ce soit en Arménie, dans le Haut-Karabakh, dans les terres kurdes, tu l'as rappelé hier, en Israël-Palestine, en Méditerranée, voilà. Alors, j'avais envie, pendant ce petit entretien, d'explorer, au début en tout cas, l'idée de comment on devient Pnar Selek, mais avant toute chose, une première question, Pnar, une question peut-être des plus simples aussi, comment vas-tu, et est-ce que tu arrives à rester debout dans cette période de grand vent, comme je l'ai décrite? Merci Antoine, merci les amis, bonjour. J'ai dit à Antoine, je suis dans des émotions, donc il m'a demandé comment vas-tu, j'ai le droit de dire ça. J'ai des émotions très mélangées, il y a des amours qui se convergent. Moi je suis très fidèle, j'aime une personne et à la vie, etc. Mais si en dehors des personnes, en dehors des amours, amours, mais il y a d'autres types d'amour aussi. Maintenant, j'étais tombée amoureuse à la fois à Château de Gouttelard, à la fois à Saint-Étienne. Et les deux, mais c'était incroyable. Et je disais tout le temps que c'est la ville où je peux vivre en France, c'est la seule. Et maintenant, donc, lui, il a joué un rôle très important pour mon amour, pour construire mon amour pour santé. Et Château de Gouttelard a une autre histoire, parce que quand j'étais là, j'ai été vraiment émerveillée. Moi, je vis dans un pays où tout détruit, est détruit. Et c'est une ville de cimetières, de tombeaux, et qui est construite sur le génocide, qui a massacré les Kurdes, qui massacre. Il y a une banalisation de violence énorme. Et toujours on se renaît. Mais cette renaissance, c'est pas quelque chose de magique. Si, c'est magique, mais c'est pas quelque chose qu'on nous donne, qui tombe du ciel. C'est quelque chose qu'on œuvre. Et l'histoire de Gouttelard, c'est quelque chose qui est très, qui donne l'espoir aussi. Nous pouvons le faire, nous pouvons transformer, nous pouvons changer. Quand j'étais à Istanbul il y a longtemps avant la prison, on avait créé un atelier de rue, atelier des artistes de rue, mais c'était des personnes qui vivaient dans les rues. Et nous avions, on n'avait aucune subvention, aucune aide. C'était pas un projet, je ne sais pas. C'était vraiment venu une nuit, on discutait ensemble, on peut le faire, etc. Et toujours on cueillait, on prenait des trucs dans les poubelles. Et après on travaillait, on faisait des œuvres d'art. Et un jour, il y avait un journaliste alternatif qui est venu, et il y avait un enfant qui avait, je ne sais pas, 11 ans, donc qui était un grand artiste, il est toujours un grand artiste, et à l'époque, mais il prenait aussi des snif, donc ce n'était pas facile à l'époque, en général, de vivre dans le... Mais lui, il a dit que... Tout d'un coup, moi, je n'attendais pas qu'un enfant de 10 ans et demi, 11 ans, dirait ça. Il nous a dit, c'est très important ce que nous faisons. Nous sommes des exclus. Et nous, on est comme des gens, comme dans les poubelles. On cueille des choses dans les poubelles. Mais on ne peut pas se retrouver directement parce que je l'ai jeté. Tu ne peux pas dire « Ah, maintenant, je ne te jette plus, bonjour. » Ce n'est pas possible. Il faut le travail. Donc, nous faisons le travail d'artiste pour vraiment reconstruire notre amitié, notre lien avec ceux qui étaient jetés. Il a dit ça. Il a dit « Voilà, nous aussi, nous sommes des jetés, mais vous ne pouvez pas nous dire « Ah, bienvenue, je t'aime. » Ce n'est pas possible. Il faut un travail d'artiste. Pour nous gagner, vraiment. C'était incroyable. Et donc, je ne sais pas si j'ai pu... Donc, j'ai des émotions très... Et j'ai fait des rencontres depuis hier soir énormes, avec les surtout avec les féministes de parti. Et je sens qu'il y a des choses qui vont se construire, parce que quand les sorcières se rencontrent, il y a le monde qui bouge. Donc, on a commencé à parler beaucoup de choses. Et voilà. Donc, je crois que Saint-Étienne, et aussi Saint-Étienne, c'était un endroit, quand nous avions organisé à Nice une grande action féministe tout aux frontières, donc, où le cerf-volant était un symbole, et nous disions que nous sommes des cerfs-volants. Et c'était une manifestation où les femmes exilées étaient plus actifs dans l'organisation, et c'est elles qui ont pris plus de parole que les féministes européens, et elles n'ont pas parlé, pas pour raconter leur histoire, mais pour dire, nous, les féministes habitants de l'Europe, nous ne voulons pas ça, nous ne voulons pas ça, nous voulons ça. Donc c'était important cette expérience. Donc on va en parler plus tard dans les journées. Il y aurait des... Mais à Saint-Étienne, il y avait plus de féministes que Lyon. Dans notre, donc c'était important. Et je sens qu'il y a des fibres qui... Donc il faut faire un pas. Est-ce que... C'est très bien, c'est très bien, Pnar. J'ai trouvé ma transition toute faite quand tu as parlé de sorcière, et j'avais envie de t'entendre dans un premier temps répondre à cette question: comment devient-on Pnar Selek? C'est une question qui m'anime et qui, je pense, peut nous animer ce matin. Et j'avais cette image-là en préparant cet entretien, que l'enfance, c'est pour toi un chaudron magique, justement, pas un chaudron militaire, où il y aurait trois grands ingrédients. Et le premier, ce serait peut-être ce lieu important que tu rappelles dans tes fictions, qui est la pharmacie de ta mère, qui est un lieu de lien, un lieu de soins, où je crois tu as découvert des choses importantes dans la vie. Est-ce que tu peux nous parler de cet endroit-là et comment il a pu te façonner? Donc, bien évidemment, en tant que... J'ai pas des lunettes, j'allais mettre les lunettes pour vous montrer que je suis sociologue. Donc, en tant que sociologue, je peux vous dire que c'est les constructions sociales, etc. Mais moi, je fais partie d'un grand tableau. Je suis une petite pointe dans le grand tableau. Et en Turquie, il y a à peu près 80... 1000 personnes en prison, prisonniers politiques. Vous imaginez? Donc moi, je suis une petite partie de ce mouvement. Mais donc j'avais de la chance quand j'avais quitté la Turquie en 2009. D'abord, j'étais allée en Allemagne. J'ai dit que je vais beaucoup m'ennuyer parce que c'était... il y avait beaucoup de violence, de répression, mais en même temps, une effervescence philosophique. Je me souviens... On allait faire une conférence, un séminaire sous un cinéma, je ne sais pas, sur, je ne sais pas, Simone Weil, ou je ne sais pas, sur la philosophie, Heidegger, discussion, et je ne sais pas quoi. Et après, on se fait taper par la police, après on allait... Donc, il y avait... Nous avions à l'époque, quand j'étais en Turquie, un peu plus... Voilà, c'est comme ça. Une revue, mais plus grande, féministe, théorique, que théorie féministe. Une fois par trois mois, trimestriel, on vendait 6000 exemplaires, chaque numéro. Et en France, il n'y a pas ça. Il n'y a pas, je ne connais pas une revue. Il y avait beaucoup d'autres revues féministes, mais on était une des revues féministes. On vendait, et on n'avait pas de numéro, il y avait plein de... C'est fini, c'est... Donc 6000 exemplaires pour un truc périodique, c'est pas évident. Et donc il y avait de la théorie. Donc je fais partie de cette effervescence. Voilà. Et là, par exemple, quand j'étais tombée dans la prison, comme j'avais de la chance d'être dans un dortoir, et la première chose que j'ai vue, c'était vraiment ça. Parce que quand tu es torturé, quand tu ne peux plus bouger, et les autres t'aident, et après tu commences à aider aux autres quand les autres arrivent. Et tu commences à écouter, tu écoutes, écoutes, tu vois que vraiment tu fais partie de l'histoire. Et c'est quelque chose... Et quand tu es entouré de personnes résistantes qui sourient et qui sont heureux, qui sont heureuses... Donc ma famille était très heureuse. La pharmacie, c'était un endroit... Mon père, il était en prison, il est resté 5 ans. Et la pharmacie était un endroit de résistance. Tout le monde venait là, il y avait toutes les choses illégales. Les gens partaient, venaient pour envoyer quelque chose en prison, tout ça, tout ça. Et il y avait un bonheur terrible. Il y avait un amour, tout le monde se touchait, on était vraiment, on se regardait. Donc moi, j'ai compris que avoir la douleur, avoir la souffrance et malheur, c'est pas la même chose. Donc on peut aimer, on peut être, mais on peut, voilà. Maintenant, je souffre beaucoup. Peut-être on aura le temps de parler parce que avant-hier, peut-être on va parler après, mais après. Vas-y. Donc j'ai eu une mauvaise nouvelle que je vais vous dire tout à l'heure. Le deuxième ingrédient de ce chaudron magique qui va donner recette à Pnar Selek, tu l'as évoqué rapidement, c'est deux figures paternelles, ton père qui a été emprisonné, prisonnier politique, et ton grand-père qui était un pionnier de la gauche révolutionnaire turque. Quel héritage, enfin, ils t'ont évidemment transmis un héritage politique que tu as fait. Tiens, j'imagine que comment, voilà, quelle importance ils ont eu. Juste ça, peut-être je peux juste dire ça parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, ouais. Il y a plein de sujets à aborder. J'avais de la chance de grandir dans une petite, appartement, mais très. Très grande, on croyait que c'était très grande, il y avait beaucoup de monde, tout le temps il y avait du monde, et il y avait plusieurs générations, et comme il y avait une tradition de contestation depuis longtemps, bien évidemment ma mère jouait un rôle incroyable, parce que la pharmacie était juste en face de chez nous. Et voilà, et donc on était avec ma soeur, on était comme dans un conte, on voyait beaucoup de choses, et quand c'est coupé, le coup d'état il est arrivé, et tout est continué dans la pharmacie de façon plus secrète, mais plus vivante. Donc voilà, je dis que j'avais de la chance d'avoir une famille, parce que c'était pas une famille, parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers à la maison. Il y avait toujours la cuisine d'été, il y avait du monde, tout le monde cuisinait. On cuisinait beaucoup. Tout le temps, on cuisinait. Il y avait toujours la cuisine, et on mangeait, et on buvait, on n'était pas croyants, donc on était, voilà. C'était un endroit de beaucoup de... Et ça a beaucoup joué, je pense. Mais j'ai trouvé cette même ambiance dans d'autres amis aussi, donc on n'était pas unique du tout. Et le troisième ingrédient, je pense, qui va donner le corps à ta trajectoire, à cette énergie qui te transporte encore aujourd'hui, c'est les rencontres que tu vas faire au sortir du lycée et dans l'adolescence et dans ta vie de jeune adulte, au contact des minorités opprimées. Marginalisés. Alors, tout d'abord les enfants des rues, puis les prostituées, les militants, les groupes LGBT. Voilà, tu racontes dans tes livres que tu avais peur à cette époque-là de devenir un rhinocéros, comme ce rhinocéros ces rhinocéros qui se multiplient dans la pièce de UNESCO. C'est la rencontre avec un de ces groupes opprimés et marginalisés que sont les Turcs qui vont t'amener à avoir des gros problèmes en Turquie. Enfin, en Turquie, les autorités judiciaires vont mettre et policières vont mettre le holà, si j'ose dire. Est-ce que tu peux nous restituer ce moment de ta vie, comment il t'a structuré aussi, ces rencontres-là? Elles t'ont structuré, t'ont donné l'énergie d'être celle que tu es devenue? Le coup d'État 1980, c'est le 13e coup d'État en Turquie, et juste avant, il y avait une grande mobilisation sociale, mais très très grande mobilisation. Et comme on était juste à côté de l'Union soviétique, donc ce coup d'État était organisé de façon internationale, donc l'OTAN a joué un rôle, tout ça. Et il y avait 1 million de prisonniers politiques, et très très rapidement, dans quelques mois. Tout le monde n'a pas resté longtemps, mais juste les gardes à vue, des petites prisons, etc. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui sont restées, beaucoup. Là, par exemple, la CGT turque, les délégués syndicaux, on leur demandait condamnation à mort. À l'époque, il y avait condamnation à mort. Donc, la trahison, je sais pas, ils disaient des choses énormes. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui sont... Dans les régions kurdes, c'était pire. Aujourd'hui, l'État accepte, parce qu'il y a eu des enquêtes, il faisait manger aux prisonniers la merde. Une torture qui dure même dans la prison. Donc c'était une période terrible. Et pourquoi je raconte ? Oui. Et après, donc, et il y avait une peur incroyable. J'avais 9 ans, ma soeur, elle était 7. Et ma mère, voilà, elle était très combattante. Et elle nous a amenés... Attends, pardon. Et à l'école, partout, nous voyions que... tout le monde applaudissait le dictateur. Donc, tout d'un coup, tout est changé autour de nous. Donc, nous, on allait aux prisons. On voyait qu'il y a un autre monde dans les prisons. On voyait que beaucoup de personnes étaient cachées. Mais ceux qui étaient visibles, ou celles qui étaient visibles, applaudissaient. Et moi, j'allais à l'école. Les profs parlaient, oh, le dictateur, avant, il y avait les terreurs, etc. Et tout d'un coup, tout est changé. C'était incroyable pour une enfant de 9 ans. C'était incroyable. Donc, elle nous amène au spectacle de Ionesco Rhinocéros. Et moi, je me souviens que ma soeur, on tenait la main avec elle. Et on était. Parce que vous connaissez l'histoire, donc je n'ai pas besoin de vous raconter. Mais tout le monde, rhinocérosisation. Tout le monde devient rhinocéros. Et à la fin. On était vraiment perdus dans le fauteuil, ou je ne sais pas, dans le truc. Et c'est fini, ce n'est pas possible. Et à la fin, le Béranger, je n'oublie pas son nom, Béranger, l'héros, il dit « je résiste, je ne deviens pas rhinocéros ». Je me souviens un peu, mais les mémoires de l'enfance, c'était ça. Et avec ma sœur, on a dit non, on va pas devenir rhinocéros. C'était très important. Et après, j'ai beaucoup réfléchi, même ce chaudron turc, même mes romans, et c'est la même chose. Comment ne pas entrer dans le rang? Comment ne pas entrer dans le rang? Comment ne pas obéir? Et comment continuer à poser des questions? Comment ne pas être dans le conformisme? J'ai élargi ma problématique, disons, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de choses. Ta question, c'était une autre question, c'était les rencontres qui ont changé ta vie, mais tout est lié parce que ces questions ne sont pas évidentes non plus. Il commence d'une autre chose, il finit avec... Non. On fait tous pareil. Non. Et je crois que vivre dans ce contexte remplit votre tête avec les questions. Donc il n'y a pas d'évidence. Parce que le dictateur parle tous les jours à la télévision et il parle d'une vérité absolue autour de vous. Et à la maison, les autres disent que non, c'est pas vrai. Et donc à l'enfance, vous savez que tout ce qu'on dit à haute voix ne sont pas vrais. Donc c'est génial pour un enfant, parce que ça commence à se questionner. Et j'ai appris dans ma vie, et donc je raconte aussi dans parce qu'ils sont arméniennes, etc., ce sont des rencontres qui m'ont transformée, des vraies rencontres. Et quand vos portes sont ouvertes, vous recevez beaucoup dans la vie. Quand vos portes sont ouvertes, vous recevez beaucoup. Et je crois que dans l'enfance, à cause de vivre toutes ces histoires, je n'avais pas de portes. Les portes étaient cassées. Et donc, quand j'étais sortie dans les rues, quand j'étais ouverte, je n'étais pas allée vers les enfants de rue. J'étais pas allée vers. Je n'utilise pas le mot minorité. Il y a des opprimés, il y a des groupes sociaux. Opprimée, mais je ne catégorisais pas. Pour moi, je rencontrais une personne. Après, il vivait dans les rues. Ça, c'était quelque chose qui venait après. Mais comme il n'y avait pas de portes, et tout d'un coup, tu commences à écouter d'autres histoires. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Surtout, j'ai osé de vivre dans les rues. Et cette période, c'était. Donc, je me déguisais. Et pour une femme, c'était incroyable. Donc, j'avais cette confiance avec une bande. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Et j'ai fait des rencontres dans les rues que tu ne peux pas faire en marchant. Quand tu t'arrêtes, quand tu es disponible. C'est incroyable, ça. Tu restes. Et j'ai pas, après le lycée, 2 ans. J'ai décidé de ne pas aller à la fac, de vivre dans les rues, d'être disponible, de regarder la vie directement. Et cette expérience, je crois que c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Et tu la racontes très très bien, cette expérience dans l'insolente voilà, dont je parlais au début. Et donc, à la fin des années 90, le pouvoir turc va te tomber dessus à la faveur de travaux que tu fais sur les militants kurdes. Ils vont te coller une accusation complètement fallacieuse de terrorisme. Tu vas être emprisonné, torturé, je l'ai dit. Et cet acharnement judiciaire, il dure depuis 25 ans jusqu'à aujourd'hui. On est en 2023. Et cet acharnement, il a même tendance à s'accroître ces tout derniers temps avec, comme je le disais, ce mandat d'arrêt international qui vient d'être formulé en début d'année. Qu'est-ce que ça dit de la nature du pouvoir turc et de son évolution aussi peut-être récente, quoi, le fait qu'il ne te lâche pas la grappe comme ça? Alors, mon procédure depuis un peu plus de 25 ans. J'étais un petit peu quelques années plus jeune quand j'étais en prison. Et ça montre à la fois la continuité du régime répressif, c'est-à-dire que si cet acharnement a commencé avant le gouvernement actuel, et en général en Europe, on connaît la répression en Turquie avec ce gouvernement. Mais quand j'étais en prison, il y avait 45 000 prisonniers politiques quand même. Et dans mon dortoir, il y avait une centaine de personnes et 80% étaient torturés gravement. Et surtout, ceux qui étaient kurdes, les détenus kurdes, une partie, elles étaient violées, mais durant l'interrogation. Toutes les nuits, il y avait des cris, donc c'était vraiment... mon procès fait partie de ce tableau. Et avec le nouveau gouvernement, ce gouvernement, il était venu au pouvoir avec les promesses de démocratie au début. Et l'Europe avait beaucoup soutenu ce gouvernement parce qu'il était néolibéral, il avait passé beaucoup de lois, y compris Macron, à la Turquie. Et donc il était très l'Union européenne voulait le prendre, etc. Donc c'était une période que peut-être il peut changer des choses, mais mon procès continue. C'est comme ça reflète la continuité du régime répressif. Et moi, comme je dis dans ce livre, dans mon dernier livre, ce n'est pas facile d'un retour en arrière directement. Le changement, c'est très difficile. On ne peut pas le soigner avec un peu de miel et de citron. C'est impossible. Et si, parce que aujourd'hui, si on ne fait pas un vrai travail sur le génocide des Arméniens, sur tout le nationalisme qui structure la société, et plus que la religion, le nationalisme, le militarisme en Turquie, c'est un poison énorme. Et voilà. Et donc, et moi, je suis une personne, ma famille n'était pas comme ça. Donc, ma famille était de gauche, universaliste. Et moi, je suis devenue féministe, je suis devenue anti-normes sexuelles et anti-nationaliste, anti-militariste, plus anarchiste. Et donc, quand ça s'ajoute, et antimilitariste et antiviolente aussi. Et quand tout ça ajoute, bien évidemment, l'État turc n'aime pas ça. Mais je veux vous dire quelque chose. Moi, je répète que je fais partie de cette histoire parce que à partir des années 80, il s'est passé un truc magique en Turquie. Un jour, on aurait le temps de discuter. Donc la gauche, même le livre de Allende, c'était un délit. Allende, Salvatore. Non. Éluard. ou Aragon. Mais c'était interdit. Voilà, c'était une période comme ça. Et Nazım Hikmet était interdit. Donc, de la répression terrible. Et tout d'un coup, on voit, à partir de 1984, l'émergence du mouvement féministe. C'était plus le cas avant, parce que l'État turc, il était très autoritaire et Et il disait que c'est Atatürk qui est le plus grand féministe. Donc, il a imposé un modèle de femme émancipée, mais nationaliste et vraiment récupérée par la cause nationaliste. Et donc, c'était. Et la génération de ma mère et de ma grand-mère disait que Atatürk, il est féministe, on n'a pas besoin de féminisme, tout ça. Après, la gauche est arrivée, la gauche révolutionnaire. Et il disait que de révolution, dans 2 jours, 4 jours, 2 semaines, et la question de femmes, c'est après, et il voyait le féminisme comme une idéologie bourgeoise, ou l'homosexualité perversité bourgeoise. Donc, on était très. Voilà. Et donc, il n'y avait pas de place pour d'autres mouvements contestataires. Et tout d'un coup, le coup d'État, juste après le coup d'État, on a commencé à l'émergence du mouvement féministe en Turquie, et avec une capacité d'adaptation, capacité de, une radicalité pragmatique incroyable. Elles ont su à la fois critiquer l'État turc, à la fois critiquer la gauche turque, et elles ont initié un nouveau cycle de contestation, juste après les féministes. C'est les mouvements LGBT, les anarchistes, les antimilitaristes. Et c'était tout avec le répertoire féministe qu'ils sont développés. C'était incroyable. Et ce nouveau cycle de contestation, aujourd'hui, est très dominant en Turquie. Après, les militants de gauche sont sortis de la prison. Ils se sont adaptés. Ceux qui ne sont pas adaptés sont partis. Donc, ils se sont renouvelés. Et les Kurdes aussi. Le mouvement arménien. Donc, et comme... comme il y a toujours une répression énorme, il y a une très grande répression, il y a une convergence obligée. Tu es toujours obligé de faire avec. Même s'il est très différent, et même si tu ne l'aimes pas, tu ne veux pas aller à des réunions du collectif, tout ça, ça te chie, ça te fait chier. Mais... Tu y vas parce que tu es obligé, tu ne sais pas, tu peux pas faire autrement. Il y a une répression énorme. Et là, le militantisme ne t'apporte pas de carrière, ni, c'est plus, ça te prend. Tu le payes cher. Donc, tu es obligé de converger. Tu es obligé de. Et quand ça dure 3 ans, ça ne change pas beaucoup de choses. Mais quand ça dure longtemps, il y a quelque chose de magique qui se fait. Il y a des voyages des idées, voyages des expériences entre les groupes, voyages des concepts. Et tu apprends à lutter ensemble en plus. Donc c'est quelque chose. Et il y avait des copines qui m'ont raconté que, par exemple, la différence de santé et Paris, c'est un peu ça aussi. Donc ce n'est pas à cause de répression, mais pour d'autres raisons, mais il y a quand même une convergence. Donc ça transforme chaque groupe. Et donc il s'est créé un nouvel répertoire militant. Aussi entre les groupes, c'est, donc on peut en parler beaucoup. Et moi, je fais partie de cette revitalisation, c'est bien, revitalisation politique. Donc voilà, il a tout compris. avant d'en arriver à ton dernier livre, je voulais qu'on continue, qu'on termine peut-être sur ton cas, Pinar Selek. Sur cette question, sur ton statut aujourd'hui. Ah, j'ai oublié, oui, c'était ça. Mais c'est pas grave, on va y arriver, t'inquiète pas. T'es arrivé en France en 2011 et t'as obtenu la nationalité française en 2017. Et pour autant, depuis le début de l'année, pèse sur toi, comme je disais, un mandat d'arrêt international. On est à Goutla, un lieu de la renaissance du droit, pour parler comme le journal Le Monde. Est-ce que tu peux revenir sur ton statut actuel qui t'empêche de quitter le territoire national ce mandat d'arrêt international, voilà. Ouais. Ta situation administrative aussi, parce que c'est aussi, enfin c'est, on est là pour cette lutte là, enfin. Mmh. Voilà. Et donc tu m'avais posé la question maintenant quand tu posais la dernière question, je me suis souvenu la précédente aussi. Pourquoi toi, j'ai répondu aussi un petit peu par rapport au, je fais partie de ce, voilà. Mais en plus, j'ai pu échapper de la prison, j'ai pu échapper de la Turquie, et comme j'ai décidé de continuer ma lutte, Et de ne pas, hier soir, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de monde qui était là, mais je vais raconter que quand j'étais en prison, au début, je ne savais pas combien de temps j'allais rester. Et je demandais à des prisonniers qu'est-ce que je dois faire pour ne pas devenir folle. Et elles m'ont dit, oublie ton procès, oublie quand tu veux rentrer, parce que sinon tu vas avoir une impuissance appris, une maladie psychologique. Il faut que tu penses, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui en prison? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Donc, oublie ton procès. Tu vas commencer à réfléchir une semaine avant l'audience, mais dans la journée, tu oublies. Et quand je suis venue en exil, j'ai utilisé cet apprentissage, donc j'ai dit je ne veux pas penser, je vais rentrer en Turquie, donc je me suis engagée dans les luttes d'ici, auprès des exilés, d'autres choses, donc qui parce que moi, déjà quand on était en Turquie, on disait qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les oppressions, il n'y a pas de hiérarchie entre les luttes, donc moi je dois décentraliser aussi mes luttes. Donc j'ai dit que ici aussi c'est pas moins important. Donc comme maintenant je suis à la frontière italienne, donc quand je me suis engagée, et ça fait plus peur l'État turc, je pense. Ça fait plus peur parce que comme je continue et ça donne beaucoup de force à mes amis en Turquie, et ils voient que je continue. Voilà, c'est ça qui change les choses. Mais pour empêcher ça, parce que je allais beaucoup en Italie les derniers temps, Tu travaillais beaucoup sur les frontières. Sur les frontières, ouais. Mais en dehors de ça, j'avais une séminaire que je faisais dans les villages partout, sans féminisme, pas de lutte efficace contre le fascisme. Donc je faisais ça partout en Italie, et nous avions créé des liens très très forts avec nous, une des Menos, et on faisait plein de choses ensemble. On disait qu'on ne va pas passer par Paris parce qu'on est au sud, il y a des frontières, mais on s'en fiche des frontières. Nous allons créer des collectifs féministes transnationaux, sans passer, donc comme on est libertaire, donc on essayait de créer des choses locales, mais locales dans le sens transfrontalière. Et donc moi j'étais vraiment très active, et surtout ce séminaire qui marchait beaucoup. Et voilà, l'État turc a demandé mon extradition, mais aussi dans l'Interpol de me mettre dans la liste rouge. Et donc ça m'a maintenant, je ne peux pas traverser les frontières. Ça, c'est quelque chose. Mais pas seulement ça, c'est pas un secret. J'avais toujours des menaces, mais les menaces sont devenues très important les derniers temps. Il prend des photos de moi quand je marche dans les rues et il partage. Voilà, il dit que Elanis, c'est traîtresse, des choses comme ça. Donc ça m'empêche de voyager toute seule, de me déplacer toute seule, etc. Et peut-être on va en parler, je ne sais pas si on a le temps, mais donc j'ai écrit ce livre à partir d'un... Oui. Je le montre, le chaudron militaire turc. À partir d'un homme qui a tué mon ami, Ranting, c'est un journaliste arménien que on était très proche, en 2007. Il a tué, il a avoué qu'il a tué. On savait que c'était pas lui qui a tout organisé. Il a tiré, mais c'était l'État qui avait fait. Mais lui, il a tiré. Et il a avoué en disant que oui, j'ai lu dans les journaux que il n'est pas bien pour notre nation, donc voilà. Avant-hier, il a été libéré. Et en disant qu'il a eu des bons comportements en prison. Et il a été libéré avec une... voilà. Et il est comme un héros important. Donc il y a plein de... Donc les loups gris, ça s'appelle les loups gris, ce mouvance. Ça veut dire, ils pensent que les Turcs comme Romulus avaient allaité une louve, allaité une Turque, je ne sais pas. Et quand ils font des manifestations, ils crient comme ça. Ouh! Vous imaginez dans les rues comme ça. Et donc les pauvres loups, ça n'a rien à voir avec eux, mais voilà, ils utilisent, comme ils utilisent tout, les... Et donc, quand ils partagent des choses comme ça, les loups solitaires effectue, mise en place, il le fait, voilà, réalise. Et donc, voilà, c'est une période un peu difficile pour moi. J'ai une mobilité réduite, mais je suis tout en mouvement. Et c'est pas facile. Ce matin, on parlait avec les copines au cours du déjeuner, le petit déjeuner. On disait comment on fait, comment on résiste, comment on tient le coup, on prend le gouvernail. Et après, on a dit que c'est bien de répéter tout le temps. Et moi, je fais ça. Je répète au moins 4-5 fois par jour. Même les amis de Goutla, ils ont vu que je ne suis pas si forte que ça. Quand mon train il est arrivé un peu en retard, j'ai compris qu'il n'y avait pas j'allais rester comme ça. Et j'ai pleuré. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on parle des cerfs-volants. Parce que les cerfs-volants, on peut les déchirer facilement. C'est pas des... Mais il faut que les autres tiennent. Il faut une solidarité. Il faut des mains pour qu'on vole. J'en reviendrai aux mains peut-être dans une dernière question. Je voulais quand même qu'on revienne un petit peu sur ton dernier livre, Le chaudron militaire turc. Tu n'as pas mon roman. À Dolsen, ouais. Il est là-bas, ouais, mais ouais. J'ai oublié de le prendre. Ouais. Tu me fais remarquer la moindre. Ouais. Le chaudron militaire turc, dans lequel tu attaques frontalement un des piliers de l'État turc, à savoir son service militaire obligatoire, que tu analyses comme un lieu, un berceau de la production, de la domination masculine et de la violence masculine. Le contenu de ce livre est par essence un acte de courage et grande liberté face aux menaces, face aux intimidations, à l'acharnement. Ton éditeur, il a décidé de coller un bandeau sur lequel il y a marqué « Pnar Selek persiste et signe ». Ça se lit d'une traite. Ton courage, il m'évoque une autre figure, c'est celle de Salman Rushdie, quelque part. C'est quoi ce besoin essentiel qu'il y a à maintenir cette parole libre, voilà, à pas plier, quoi. Enfin, j'avais envie de t'entendre. Après-midi, il y aurait un débat avec des filles super. C'est à 5 heures, je crois. Et là, je veux parler de mon expérience d'écrivain et là comment le marché du livre français a essayé de me limiter juste sur des sujets spécifiques et comment j'ai résisté. Et ma réponse c'était je vais être militante de la poésie et ma vie sera poétique. Donc la poésie est, moi j'adore, donc je pense que j'adore les personnes, mais les paroles des situationnistes. Ils disent des choses très très fortes, pas les personnes parce que c'était assez sexiste et, ouais, mais il y a des paroles assez importantes. C'est pas juste écrire des poésies mais rendre la vie poétique. Donc je trouve que c'est assez fort ça. Et moi je dis que quand même dans les résistances françaises, j'ai appris que plus de poètes ont résisté que les autres écrivains universitaires, etc. Parce que ils sont déjà marginaux. Je sais pas, ils ne savent pas s'adapter, faire des stratégies, des choses comme ça. Et moi j'ai dit que je veux vraiment rester poète dans ma vie, et même si c'est court, c'est beau. Donc la peur diminue beaucoup la qualité de la vie. Donc j'ai dit, j'ai pu répondre. Ben oui, tu cites souvent Gilles Deleuze, pour qui le pouvoir a besoin de corps tristes. Alors il y a la poésie qui est peut-être une arme de résistance et une de tes recettes personnelles pour résister à ces passions tristes. Je vois qu'il y a d'autres ingrédients que tu aimerais nous délivrer justement, qui te servent de support à ne pas tomber dans la tristesse. Je crois que je peux parler de... J'ai écrit beaucoup d'essais, mais ce que je veux j'aime plus dans la vie, c'est d'écrire des contes. Et parce que quand j'étais petite, donc avec ma sœur, notre père était un conteur. Et il nous racontait chaque soir, il nous racontait un conte. Et quand il est tombé en prison, donc ma sœur, elle était 7 ans, elle n'était pas si petite que ça, mais elle était coquine, et elle ne dormait pas sans qu'on lui raconte un conte. Donc c'est moi qui ai pris cette responsabilité de lui raconter des contes tous les soirs, mais tous les soirs. Donc les contes qu'on lit, c'est fini, après il faut inventer, après voilà, voilà. Et je suis devenue conteuse grâce à ma sœur. Et là, on avait créé un monde entre elle et moi, et on se tenait par la main comme ça, et dans les prisons, dans plein d'endroits, on vivait, on croyait à des magies, etc., etc. Donc ça, j'ai dit que donc la poésie, les magies, les contes, et après j'ai appris beaucoup de histoires des Kurdes, surtout des grandes figures, des déesses avant l'islam. Des Kurdes et qui racontent aussi que le patriarcat a volé la magie, a volé plein de choses de nos types de connaissances, etc. Donc après je me suis rassurée en apprenant tout ça et donc je dis que maintenant donc écrire des contes m'a fait très très très important et moi je veux vivre une vie de contes. Donc c'est la poésie et le conte et il faut que je continue à être dans le conte. Par exemple mon nouveau roman, mon premier roman c'est un conte aussi qui se passe à Istanbul. Mon dernier roman c'est un conte. Azucena et les fourmis zinzines. Et quand j'écris, je me transforme. Je ne suis plus la même personne. C'est un truc de magie. Mais les autres livres, ce n'est pas comme ça. Les autres livres, j'écris dans ma tête, je le prépare. Mais ça, c'est une aventure. Et voilà, cette création, c'est quelque chose que tu peux faire comme ça au pouvoir. Donc, tu dis que... Voilà. Et peut-être pour en terminer sur cette dernière question, c'est une question que je me pose, mais qu'on se pose collectivement, c'est comment on peut continuer, nous tous, à aider Pnar Selek dans ce combat qui est le tien et qui est le nôtre, comme je le disais. Il y a plein de choses à faire dans ce monde, malheureusement, par rapport à la solidarité internationale. Et tout à l'heure, on va en parler, mais surtout, pas seulement être solidaire ici, mais nous sommes des transnationales. Donc, nous ne sommes pas que ici. Les luttes, d'ailleurs, nous tiennent trop à cœur et tout est très lié. Nous savons, comme étant concernés, que tout est très lié. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut rendre de plus en plus transnationales nos luttes. Je pense que c'est très important. Et mon procès, c'est un exemple. Juste dans mon procès, autour de mon procès, grâce à mes luttes différentes, il y a une convergence très importante. Et quand les Européens ont participé à cette convergence, ils sont étonnés de voir plein de différents militants en Turquie, kurdes, arméniens, LGBT, plein de différences. Et ils sont étonnés de voir que tout ce qu'on a semé continue d'une façon ou d'une autre. Et du coup, ça crée des liens. Donc, vous pouvez juste voir le site pnarselek.fr. Là, c'est mon comité de soutien qui le fait. Il y a toutes les nouvelles, toutes les choses. Vous pouvez suivre les informations là-bas. Mais moi, j'essaie de me détacher de mes... je ne participe jamais à des réunions de mes comités. Je me protège parce que comme ça dure depuis 25 ans, j'essaie de ne pas parler de ça. Mais je crois que... je suis en train de réfléchir pour le dernier mot et on va en parler encore plus peut-être dans la journée d'un mouvement transnational féministe antimilitariste créé par les femmes qui se sont rencontrées en diaspora. Merci. Parce que de diaspora, c'est difficile créer des liens féministes. On a des liens, mais c'est de renforcer des liens féministes quand tu es sous la guerre. Par exemple, les femmes en Iran, surtout les femmes kurdes en Iran et toutes les femmes en Iran et les autres femmes qui résistent dans d'autres pays, mais sous le coup de guerre, etc. C'est pas évident. Tu ne connais pas la langue, comment on va se communiquer. Il y a pas d'internet, les États. Donc c'est difficile de créer les luttes communes. Mais la diaspora peut être très utile pour ces rencontres. Et peut-être il y a un espoir de cette façon, mais surtout de créer un mouvement transnational et antifasciste. Parce que quand on dit fascisme, c'est pas que Pétain, c'est pas que Marine Le Pen, mais tous les perdants de mondialisation, Daesh, etc., antifascistes, antimilitaristes. Donc je crois qu'il y aura des bonnes nouvelles bientôt qui donnent de l'espoir, je pense. Merci Pnar pour ces paroles d'espoir. Et merci Antoine. Et merci à les librairies l'une à l'autre. Et soutenez la parole libre de Pnar.